Psaume 82. Psaume d'Asaph. Dieu assise dans l'assemblée des forts, il juge au milieu des juges. Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, et aurez-vous égard à l'apparence de la personne des méchants? C'est là. Faites droit à celui qu'on opprime, et à l'orphelin, faites justice à l'affligé et au pauvre. Délivrez celui qu'on maltraite, et le misérable, retirez-le de la main des méchants. Ils ne connaissent ni n'entendent rien, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'ai dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous enfants du souverain. Toutefois vous mourrez comme les hommes, et vous qui êtes les principaux, vous tomberez comme un autre. Ô Dieu, lève-toi, juge la terre, car tu auras en héritage toutes les nations.